Ma maison est belle comme une chanson, un nid d'hirondelle pour tous les pinsons. Ça sent les tartines et le chocolat, c'est bien la cuisine, le meilleur endroit. Ça sent la grand-mère. Ma maison gigote comme une chanson. Le samedi, ça frotte, ça sent le savon. Vole la poussière en dessous du tapis, c'est un vrai calvaire pour le chien d'ici. Tiens, voilà grand-mère. Toi, la maison qui trotte dans ma tête. Toi, la jolie chanson, le rêve bleu. Toi, la maison qui chante et fait la fête. Toi, la jolie façon de vivre heureux. Ma maison est riche comme une chanson, toujours à l'affiche de mille façons. Elle n'est pas en briques, elle est dans le cœur, grande et magnifique, dans un champ de fleurs, là-bas chez grand-mère. Ma maison attire comme une chanson tous ceux qui désirent trouver Cendrillon et chanter l'histoire du prince charmant. Tout simplement croire au rêve vivant compté par grand-mère. Toi, la maison qui trotte dans ma tête. Toi, la jolie chanson, le rêve bleu. Toi, la maison qui chante et fait la fête. Toi, la jolie façon de vivre heureux. Ma maison est belle comme une chanson, un nid d'hirondelle pour tous les pinsons. Ça sent les tartines et le chocolat, c'est bien la cuisine, le meilleur endroit pour aimer grand-mère.